peut faire, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non. Truc de dingue, truc de malade, truc de psychopathe, truc de fée. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre les violences policières, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. Nos passaranes. Grève générale. Et rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminés dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Bonsoir à tous, vous êtes au fond près du radiateur 106.3 FM de 19h à 20h30 tous les mardis soirs. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement. On est ce soir avec Mouloud, Mustapha, Hervé et Bob. À vous pour l'introduction de l'émission de ce soir. Oui, donc vous êtes bien sur Fréquence Paris PRL, en mission au fond près du radiateur. Alors, aujourd'hui, donc il y a Mustapha, voilà. Et puis aussi, on a deux invités. Alors, je ne sais pas comment vous présenter. C'est deux personnes qui, à la fois, on peut dire, sont des professionnels au sens inspecteur du travail. Oui. Voilà. Et ce qui nous a intéressé là, c'est au lieu d'un grand discours idéologique, etc., c'est aussi d'essayer de savoir de quoi on parle concrètement. Et aussi parce que vous êtes militant. Donc, il y a Hervé, à ma gauche. Salut. Et à ma gauche, Bob, voilà. Salut. Comment vous pouvez vous présenter en une seule phrase ? Inspecteur du travail et syndicaliste. Et toi ? Ouais, c'est pareil. Ouais. Et on reviendra donc... en deuxième partie de l'émission sur globalement qu'est-ce que ça veut dire les lois Macron, le code du travail et plus largement cette réalité. Et encore une fois, en tout cas pour nous dans l'émission, c'était parlons concret, et parce qu'effectivement c'est un vrai, en tout cas, révolution dans le sens ultra-libéral ou une continuité. On verra aussi avec vous qu'est-ce qu'on parle et pourquoi on est arrivé à ça, peut-être, aussi d'avoir en tête ça. Et encore une fois, de parler de concrètement, vous êtes salarié ou pas, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui est en train de changer, et quels sont vos droits ou quels qui ne sont plus vos droits, et qu'est-ce que vous pouvez faire ou pas, au-delà d'un grand discours idéologique. Voilà. Et dans la première partie, on va... Du coup, pour récapituler vite fait, en fait, on va faire un petit point, parce qu'aujourd'hui, on est le 17 octobre. Ça nous renvoie une autre date, le 17 octobre 61. Et tout le reste de l'émission, on va parler sur le monde de l'inspection du travail. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un inspecteur du travail ? Ça sert à quoi ? C'est quoi ? Et qu'est-ce que c'est devenu maintenant par rapport à avant ? Du coup, Robinson, il va nous lancer, et Robinson, il est à la technique ce soir, il va nous lancer un petit pause musical tout de suite. Je ne sais pas c'est quoi la chanson. Il ne met pas des pros de la radio. yes, I this I want it at the best. Oh yes, yes, I this I want it at the best. The best in the east, I'm at the best in the west. The best in any robot of contest. Oh yes, yes, I this I want it at the best. Oh yes, yes, I this I want it at the best. The best in the east, I'm at the best in the west. The best in any robot of contest. It's a one song, so it's a one song. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission Au vent près du radiateur sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 en compagnie de Mouloud, Hervé, Bob, Mustapha et Robinson à la technique. Un petit big up pour Robinson. On va enchaîner tout de suite, on va parler un petit peu du 17 octobre, mais vite fait, je ne vais pas vous rabâcher avec le nombre de morts ou la gravité de la violence policière ou pas. Pour ceux qui ne le savent pas, le 17 octobre 1961, en fait, ça a été une répression très violente sur Paris, une journée de répression très violente, durant une semaine de répression très violente d'ailleurs. Qui s'est passé en 1961. L'origine de cette répression, en fait, bah, c'est qu'il y avait des Français qui ne voulaient pas être Français à la base, mais des Français d'Algérie qui voulaient manifester et clamer leur volonté d'être autonomes, voire indépendants même, et de décider eux-mêmes de leur destin ou de leur nationalité. Ces manifestations, avec un état d'urgence, un couvre-feu qui a été prononcé, surtout à l'encontre des Nord-Africains qui résidaient à l'époque à Paris, a été réprimé dans le sang. La Seine était rouge. Les rues de Paris étaient rouges, la préfecture de police était rouge, et ça, ça a duré pendant des jours et des jours et des jours. Du coup, je ne veux pas rabâcher trop, parce que c'est vrai qu'il y a un aspect violence policière, on les connaît, on en entend parler régulièrement, et dans l'émission, on fait régulièrement des points, vu comment elles aiment l'actualité. Mais c'est juste pour vous rappeler qu'en fait, au niveau de la France coloniale, le 17 octobre, c'est une date parmi tant d'autres. On pourrait faire le 18 octobre, on pourrait faire le 1er novembre, le 4 novembre, le 6 novembre, en fait, tous les jours de l'année. Sans aucun problème, et isoler un fait qui s'est passé, que ce soit en Algérie, en France, au Maroc, au Vietnam, ou, je sais pas, moi, au Gabon, dans tous ces pays-là, où on a trucidé des gens, on les a tués, femmes, hommes, enfants, adultes. Et en fait, on n'aime pas trop parler. Et ça me rappelle beaucoup de choses. Je travaille dans un petit collège qui est sur Saint-Denis. Je ne suis pas très loin de la ville de Stein aussi, où il y a un autre collège qui s'appelle le collège Barbara, qui est tout beau, tout neuf. Et dont à l'origine, il y avait une proposition pour donner le nom d'une des victimes de ce 17 octobre 1961. Mais l'opposition farouche de la majorité des profs de l'époque qui étaient à ce collège estimait que ce n'était pas très bien de donner le nom d'une victime. Pourtant, on a nombre de collèges ou de lycées qui portent des noms de victimes de la Seconde Guerre mondiale, tuées par ou la France pétainiste de l'époque ou par le gouvernement nazi de l'époque qui était en Allemagne. Mais ici, ça pose problème parce que c'est notre très chère et très tendre et très grande et noble République française qui est touchée et qui est incriminée. La République ne peut pas faire de crime, a priori, et les profs tiennent à garder le feu sacré de cette République. Donc, ils ont refusé tout bonnement de l'appeler du nom de cette victime, et ils l'ont appelé, parce que c'est plus pratique, plus proche de la population locale et plus français, Barbara. On ne sait pas pourquoi. Du coup, sur cette transition très courte et ce petit rappel du 17 octobre, on va enchaîner avec nos invités et avec Mouloud. Moi, ce que juste un point aussi, c'est que c'est vrai que je pense que c'est bien aussi de. On aurait pu faire une émission sur les crimes coloniaux, etc. Je trouve que ça a un lien avec tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à des populations qu'on stigmatise, qu'on renvoie à leur origine, soit raciale, soit religieuse. Et ça, c'est dans ce sens-là où moi aussi, je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a une continuité historique, qu'il y a un lien. Ce n'est pas par hasard si aujourd'hui, ceux qui sont dans les emplois les plus durs sont des gens, qu'on le veuille ou pas, issus d'un parcours de migration, issus des ex-colonies. Et que, pour dire un peu violemment, en 2017, pour moi en tout cas, ça, je parle en tout cas de mon expérience, de ce que je peux en comprendre du monde du travail, le premier licencié, c'est toujours, je dis les choses clairement, l'arabe. Le dernier embauché, c'est toujours l'arabe. Et ça parle d'un mouvement ouvrier, plus largement du monde du travail aujourd'hui, comment on surexploite des personnes, comment les gens ont des difficultés à se défendre, à se syndiquer. Je pense que c'est important aussi de rappeler que se syndiquer est un droit. Encore faut-il avoir la possibilité de se syndiquer, quand on sait ce que ça veut dire la répression syndicale dans beaucoup d'endroits. Se syndiquer à la CGT, par exemple, à AFO, je ne sais pas trop quoi, ça fait très mauvais genre dans le CV, dans la possibilité d'une promotion professionnelle, voire dans d'autres lieux, c'est un motif pour presser la personne et la dégager. Et je parle évidemment de l'expérience, par exemple, à Citroën, Aulnay-sous-Bois, ou à ces usines automobiles, où effectivement une partie du personnel était nord-africain, venu directement du bled, avec une logique d'un paternalisme colonial. Le fait que certains salariés voulaient se syndiquer à la CGT, ils étaient licenciés, menacés, harcelés. Et poser la question du droit d'un salarié, c'est aussi dire que le salarié est quelque chose de vaste, avec des couches différentes d'hommes et de femmes, de parcours différents, de côté pluriel. Et comment on protège ces personnes-là, comment les gens accèdent à leurs droits, savent avoir, en tout cas quand on parle, et c'est comme ça que nous on parle du mouvement ouvrier, eh bien ça parle d'un parcours, de parcours pluriel. Et effectivement, un cheminot à la SNCF et un balayeur dans la gare, alors qu'ils travaillent à peu près pour la même entreprise, eh bien ils n'ont pas le même contrat, pas le même salaire, et pas aussi les mêmes possibilités de se défendre. Et je trouve que ça pose aussi cette question-là. Et je voudrais aussi donner aussi un aspect. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la répression. Moi, j'aime bien aussi maintenant essayer de dire ces gens ont lutté aussi. Ils ont lutté pour quelque chose. Ils ont pu gagner à un moment donné. Et je pense que ça a à voir avec ça aussi. Si on ne peut pas lutter, où on va ? Et je trouve que c'est l'intérêt, en tout cas aujourd'hui, d'avoir deux invités qui sont à la fois militants, à la fois ils se trouvent, qui sont des professionnels. Et on va essayer de commencer par des questions extrêmement simples. Comment vous êtes arrivé à... Je voulais juste rajouter, excuse-moi, ouais. Par rapport justement à Simca Poissy, Aulnay, etc., que en plus à l'époque, justement par rapport au 17 octobre, la maîtrise, ce qu'on appelait plus vulgairement les contremaîtres, c'était très souvent des anciens de l'OAS. Et ils se faisaient un plaisir à ratonner, quoi, lors des grandes grèves, surtout fin des années 70, début des années 80. Mais ouais, c'était juste une petite parenthèse sur le secteur automobile. Mon père, il les a vécu. Voilà. Juste avant de continuer, il y a des auditeurs qui n'appréhendent pas trop le mot inspecteur du travail. Juste, c'est quoi un inspecteur du travail? Ça vient de quoi et pourquoi ça existe, en fait? Comment vous êtes arrivé En fait, c'est que dans tous les pays... où on estime qu'il doit y avoir une production, enfin où il y a une production industrielle, où on estime qu'il doit y avoir du droit, il y a un standard en tout cas de production de droit. Il y a aussi un standard du coup de surveillance du respect de ce droit. Et donc tu as un code du travail. Il y a un truc qui s'appelle le code du travail. Les premières lois donc datent de la fin du 19e siècle. Voilà. Et du coup, petit à petit, pour assurer l'égal. Alors à la fois la préservation de l'intégrité de la force de travail pour qu'ils puissent continuer à garnir les armées, parce qu'on s'est avisé, il y avait un docteur Villermé qui avait été mandaté par un médecin qui avait été mandaté par le Parlement, parce qu'il s'inquiétait que les soldats n'étaient plus valides pour faire le travail de... Leur taf, quoi. Ouais, leur travail, quoi. Et donc, du coup, ils se sont dit, ça vient peut-être aussi de l'exposition à des maladies, enfin, à des facteurs de travail. C'est ce qu'il a... C'est ce qu'il... Et donc, du coup, il y a eu des lois sociales qui ont été promulguées, qui ont été décidées pour limiter, bon, le travail des enfants, le travail des femmes et des enfants. Donc, et là, pour s'assurer que ces lois... était appliqué, il fallait des fonctionnaires qui fassent le tour des boutiques. Alors on peut imaginer que voilà qu'au début c'était du n'importe quoi, et puis petit à petit en fait les industriels s'y sont retrouvés quand même, parce que c'est que en fait il s'agit aussi d'assurer, on va dire, l'égalité des coûts de concurrence entre les boîtes. Donc du coup nous ce qu'on retient habituellement c'est plutôt le rôle social de ces boîtes. Enfin là je le dis pour marquer un peu les esprits, mais dès le début, il faut se dire que ce droit il est très ambigu. Il sert à la fois voilà, les ouvriers et les syndicats pour se dire que voilà, c'est pas normal qu'on veut limiter la journée de travail, qu'on ne veut pas mourir, qu'on ne veut pas hisser notre peau, etc. Mais en réalité, c'est aussi des standards pour assurer que la production se fasse. Moi, enfin, voilà, on peut le dire de temps en temps, voilà, l'inspecteur du travail qui normalement... Et là pour aider, alors ces expériences sont différentes en fonction de ta propre expérience, mais c'est-à-dire que normalement on est là au service des usagers, des travailleurs, des travailleuses pour pouvoir assurer soit un minimum de sécurité, soit le paiement du salaire. Enfin nous ce qu'on voit au quotidien c'est plutôt des gens un peu à l'arrache qui viennent nous voir parce qu'ils savent pas vers qui se retourner. Et ils arrivent, ils déboulent comme ça. Alors quand ils se font encore accueillir chez nous, parce que maintenant avec les conditions d'accueil qu'on a, c'est terrible, c'est un peu comme à la sécu pour avoir un rendez-vous, c'est du n'importe quoi. Mais normalement, tu t'arrives, tu sais pas trop où t'en es, tu as une perception vague que t'es dans l'injustice. Et du coup, il y a un agent de contrôle, à un moment ou à un autre, qui te reçoit pour te dire, bon bah, je peux essayer de faire quelque chose. On est un peu la police des employeurs, hein, la police des patrons. Hein. Voilà. Et donc voilà. L'ambiguïté quand même de tout ce que tout repose le droit du travail. Le droit du travail est plus ou moins retranscrit dans le code du travail. Enfin bon, c'est un peu plus compliqué, mais en réalité, c'est toujours donc un rapport social ambivalent, antagoniste. D'un côté, c'est vraiment la pression, la logique ouvrière, les luttes ouvrières, etc. Dans une logique plus ou moins réformiste quand même, ça s'est quand même créé sur les 3-8, la journée des 8 heures, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs, etc. Et parallèlement, les patrons s'opposaient, mais c'était pas une opposition farouche non plus. Chacun y trouvait son compte, c'est une espèce d'ambiguïté. Et il fallait faire, de toute façon, comme tu disais, cette notion de standardisation, c'est le taylorisme, c'est le fordisme, donc il faut qu'à peu près, tout le monde ait à peu près le même salaire, quoi. C'était les 30 glorieuses, c'est vraiment l'explosion du code du travail, de l'inspection du travail, tout le monde est beau, tout le monde est magnifique, c'est le grand consensus, c'est le grand compromis, la grande cohésion sociale entre le monde ouvrier, entre le patronat et puis entre l'administration du travail. Et là, on sort d'une séquence, c'est-à-dire que ça fait un peu bizarre de mettre des bornes comme ça, mais en tout cas, pendant tout un moment, en fait, c'est vrai que le code du travail était là pour nous aider, et là, ce qu'on va voir peut-être ensemble, là, si on a le temps, c'est que là, a priori, le code du travail... Il va plutôt être contre nous. Hein. D'accord. Donc du coup, quand c'est contre nous, les employés, les salariés. Moi, je, quand je dis nous, je m'imagine jamais être un employeur. D'accord. Mais après, ouais. En tout cas, nous, dans une situation subordonnée. Quand je disais nous, en m'adressant à toi, c'était plutôt inspecteur du travail quand tu dis nous. Nous, on est juste en bas de l'échelle. On est là juste pour défendre le monde ouvrier avec nos petits moyens que nous donne la possibilité du code du travail. Mais ça non plus, c'est quand on dit nous, effectivement, c'est les travailleurs. Ce qu'il faut penser, c'est qu'initialement, la philosophie même du code du travail, c'était un code protecteur pour les travailleurs. Voilà. Okay. Cette vision-là est maintenant finie, quasi finie. Parce qu'au départ, en fait, il y a la tentation, dans un truc un peu sauvage comme ça, qu'en fait, on achète la force de travail, puisque c'est un contrat, on achète la force de travail un peu comme on veut, quoi. Un peu, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Aubervilliers devant les Castorama, ou vraiment le marché aux travailleurs au sens propre, des gens qui s'alignent sur les trottoirs et qui s'emploient à la journée parce qu'ils n'ont pas de situation régulière par rapport au séjour, etc. Donc en fait, idylle comme ça, il y a un tarif qui doit être en vigueur, tu t'engages au-dessus, en dessous, en fonction de ce que tu estimes. Et donc voilà, ça c'est un peu le truc un peu genre sans code qui pourrait... Mais bon, C'est plus compliqué que ça parce que les employeurs et les possédants ici ont besoin d'une certaine paix sociale aussi. Donc voilà, c'est pour revenir à cette ambiguïté. Mais en tout cas, là, le code devient moins en moins protecteur et c'est vrai qu'on va pouvoir mener des campagnes contre le code du travail. J'allais dire enfin. Alors, donc, si j'ai bien, je résume en une phrase, entre 1945 et, j'allais dire, milieu des années 70, avec tout ce qu'il y a eu au terme de lutte sociale, de la production et de l'avancée du capitalisme français, en tout cas, etc., et du consensus entre la classe ouvrière et l'État bourgeois et le patronat, on a eu ce code qui s'est développé, des protections qui ont au niveau de la sécurité sociale, au niveau de tout ça. Et à partir de quelle date on peut dire qu'il y a un basculement ? Est-ce que c'est à partir du début des années 80 où on commence à avoir... Alors c'est toujours dur de dater, oui, il y a des lois, on ne va pas rentrer dans le côté juridique un peu chiant, c'est pas très rigolo. Il y a première loi par les socialistes en 82 déjà, le ver commence à être dans le fruit. Mais vraiment, le changement radical concernant le code du travail dans une logique libérale, destructrice, pardon, de ce côté protection de la partie faible du contrat de travail, comme on dit, c'est les années 2000. Vraiment, la période charnière, ça commence dans les années 90, mais c'est vraiment la période charnière, c'est au début des années 2000, qui va parallèlement avec l'accroissement de l'Europe, de l'Union européenne. On peut vraiment faire le parallèle. N'oublions pas quand même que 80% des lois en France sont des transpositions des directives européennes. D'accord. Alors moi, je vous propose de faire une petite pause musicale et on revient sur les ordonnances. Les ordonnances. Et voilà. Jordan, c'est pas trop, et puis ça serait bien de voir vos deux positions. Vas-y, aussi. Yeah. toujours dans l'émission Au fond près du radiateur sur Fréquence Paris Pluriel tous les mardis soirs de 19h à 20h30. Et on retrouve nos chroniqueurs et nos invités tout de suite. La parole à Hervé. Hervé ? Oui, alors juste en introduction quand même de, sur les ordonnances Macron. Hein, faut pas dire les lois Macron parce que c'est les ordonnances Macron. Parce qu'il y a eu une loi Macron en 2015. Bon, c'est une petite parenthèse, mais qui a quand même son importance. Désormais quand même, depuis la période charnière, comme je le disais précédemment, là, de 90-2000, désormais médiatiquement, patronalement et gouvernementalement, il faut impérativement stigmatiser le code du travail, hein, le droit du travail. Il est responsable de tous les maux de notre société, notamment du chômage. Vous avez qu'à voir quand Bayrou, à chaque fois, ce minable passe à la télé, à chaque fois, il dit « Ouais, le gros code du travail, le gros code du travail », sans savoir en plus que la grosseur du code du travail, c'est surtout pas son côté protecteur, c'est au contraire son côté pour déprotéger, justement, les salariés. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière quand même cette philosophie accélérée là, des ordonnances Macron ou la loi travail dite XXL ? C'est dans la novlangue, c'est la flexi-sécurité à la française. Hein. En termes clairs, on n'est pas du tout dans une logique de flexi-sécurité, je ne rentrerai pas, mais à la scandinave, mais vraiment à la française. Qui se traduit par quoi en été ? Plus de sécurité pour l'employeur et plus de flexibilité pour le salarié, donc plus d'insécurité sociale, tout simplement. Voilà. Bon, en fait, non, ce qu'on s'était dit, c'est que pour essayer d'un peu de saisir ce qui se passe, c'est de peut-être de présenter regrouper ce que vient changer la loi, les ordonnances Macron sous trois rubriques, on va dire, enfin trois, c'est pas. Mais donc, il y a déjà des questions dont vous avez entendu parler, mais c'est autour du regroupement des instances représentatives du personnel en une seule instance. Donc ça, tu pourras en parler peut-être. Oui, après, on aimerait bien parler de la négociation collective, c'est-à-dire la primauté qui sera reconnu à, donc ça c'est des mots un peu bizarres, mais on va expliquer, à l'accord d'entreprise par rapport à toutes les autres normes. Et après, enfin, on pourra peut-être parler de choses peut-être plus concrètes, on va dire, mais en tout cas immédiatement concrètes, c'est sur le contrat de travail et les prud'hommes. Voilà. Oui, parce qu'il y a un ravage au niveau prud'homal. Hein, donc savoir. Peut-être sur le CSE. Alors sur le CSE, c'est la nouvelle instance représentative du personnel. Il faut savoir que les instances représentatives du personnel, c'est une longue histoire de lutte. Là, c'est vraiment la lutte. Hein, et ça a été au détriment vraiment d'une lutte acharnée contre le patronat. Il y a quatre dates dans les instances représentatives du personnel. La première, c'est 36. C'est suite aux grandes grèves de 36, il y a eu... le Front Populaire obligé à instaurer ce qu'on appelait à l'époque les délégués ouvriers, qui sont devenus par la suite les délégués du personnel. Après, c'est 44-45, on instaure ce qu'on appelle le comité d'entreprise. Non, 44-45, c'est suite au CNR, hein, au Conseil National de la Résistance. Après, c'est le syndicat et son représentant, le syndicaliste, le délégué syndical, rentrent dans l'entreprise. C'est suite aux accords de Grenelle, suite à mai 68. Et enfin, la dernière instance représentative du personnel, bon là c'est un peu plus soft, mais c'est le CHSCT, hein, le Comité Hygiène et Sécurité des Conditions de Travail, qui sont instaurés suite à la victoire de Mitterrand le 10 mai 81, par les lois Auroux en 82. Voilà, donc à chaque fois c'est quand même historiquement vraiment un vrai rapport de force, c'est ça ou la Révolution, hein, 36 c'est ça, ou 44-45 c'est ça. Une petite parenthèse, une nouvelle novlangue qui me fait énormément rire, justement un petit exemple que je dis parfois à mes employeurs. Dans les très grandes entreprises, ils sont très fiers, les DRH, là, ceux qui nous dirigent actuellement, hein, on est dans un monde de DRH hein, au gouvernement, de dire nos collaborateurs. Hein, quand on est collaborateur, le PDG qui gagne 50 000 euros, il parle de son collaborateur du SMICAR qui a 1 000 euros. Hein, collaborateur. Et moi j'ai toujours, mais vous savez, le code du travail... un des gros volets du code du travail, il a été fait en 44-45. Et à l'époque, les collaborateurs, on les mettait plutôt contre un mur et papapapap. Ouais. Voilà, c'était juste un truc. Bon, c'était une petite parenthèse, mais voilà. Alors, qu'est-ce que c'est en réalité que cette fusion-là des quatre instances ? C'est juste permettre, en réalité, de réduire très fortement la représentation des droits des salariés et des travailleurs. Ces instances représentent, c'est dans la Constitution de 1946, représente l'expression des travailleurs. Et qu'est-ce qu'on fait en les regroupant? Évidemment, on muselle le droit à l'opposition, c'est un trop grand mot, mais au moins le droit à dire « je ne suis pas toujours d'accord avec vous, monsieur l'employeur ». Là, c'est vraiment, ça y est, on supprime tout et on fait des miettes. Maintenant, on fait des regroupements totalement à la solde de l'employeur. Et l'employeur, tout ce qu'il y avait avant, des obligations de consultation, tout ça, c'est réduit maintenant à une peau de chagrin, on réduit tout. Même le budget de fonctionnement devient réduit, enfin, n'est pas réduit, parce que là, on va me dire « ah non, non, c'est pas vrai ». Mais il y avait tout un volet très important dans ces instances représentatives, c'était le droit à l'expertise. Ça ne va pas dans cette entreprise au niveau de la santé. Il y a beaucoup de harcèlement. On fait une expertise. Ça ne va pas économiquement. Le patron dit que ça ne va pas économiquement. On va faire une expertise économique. Ah, bon, on se rend compte que ça va très bien rentrer dans le groupe, etc. Ah, il y a du harcèlement pour tel individu. On fait un droit d'alerte. Après, on fait etc. On fait une expertise. Et bien, tout ça, maintenant, ça va être pas supprimé, mais c'était toujours à la solde de l'employeur. Désormais, maintenant, obligatoirement, cette nouvelle instance appelée le CSE, on a oublié de le dire, le Conseil Social et Économique, mais ils seront obligés de un peu payer. C'est-à-dire, bon, bah quelque part, on restreint énormément le droit à l'expertise, qui est un petit droit d'opposition. Bah non, bah on le réduit, voilà. Et tout, logiquement, dans cette logique vraiment de fusion en une instance, c'est vraiment dire amen à toutes les décisions de l'employeur. D'accord. Donc ça veut dire aussi réduction des délégués, en fait, temps, de la possibilité. Très bien, oui, t'as tout compris, c'est ça. Et effectivement, si tu mélanges les questions de santé, les questions d'harcèlement moral, les questions économiques, à quel degré ce que raconte le patron sur leur bilan, où ils expliquent qu'ils sont en déficit alors qu'ils ne sont pas en déficit, bah, moins de monde, moins de moins d'heures, et une multiplication de demandes, tu peux pas traiter, et dans les faits, effectivement, bah tu traites rien, et dans les conséquences, tu t'essayes de faire deux trois trucs, et effectivement c'est la conclusion que tu dis. Voilà, c'est... par exemple, il y avait quelque chose d'assez important, hein, qui était le droit d'alerte, hein, dans les petites boîtes de moins de 50. Dans les petites boîtes de moins de 50, initialement, il y avait pas de comité d'entreprise, il y avait pas de CHSCT, il y avait les délégués du personnel qui ont un rôle très actif dans les petites boîtes de moins de 50. C'est ce qu'on appelle eux, c'est eux qui sont au contact le plus direct localement. La dérive justement du CSE, là, du Conseil Social Économique, c'est qu'on devienne des apparatchiks de la représentation du personnel, on mange des petits fours avec l'employeur, et puis on se coupe complètement de la base. C'est ça, hein, la volonté patronale et gouvernementale derrière tout ça. Mais avant, dans les petites boîtes de moins de 5 ans, donc les délégués du personnel, il y avait ce qu'on appelait le droit d'alerte, pour tout ce qui touche à des droits fondamentaux. Quand on dit droits fondamentaux, c'est notamment le harcèlement et la discrimination. Bah, ce droit à l'expertise, au droit d'alerte, mais il n'est ni plus ni moins supprimé. Il sera désormais appliqué que pour les boîtes de plus de 50. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de souffrir dans les boîtes de moins de 5 ans. Concrètement, là, je suis victime de harcèlement. Je viens vous voir maintenant, avant que les ordonnances elles passent. Comment ça se passe pour moi? Avant les ordonnances? Oui. Avant les ordonnances, par exemple, le harcèlement, il est suffisamment grave pour... si par exemple, il y a une... On va dire, harcèlement moral caractérisé. Ouais, oui, mais sauf que... Enfin bon, voilà, ce que je veux dire, c'est que les délégués, ils vont pas s'intéresser à tous les cas de harcèlement. Si jamais il y a une atteinte grave pour ta santé, par exemple, si tu as tenté de mettre fin à tes jours, des trucs comme ça, enfin, bon, voilà, malheureusement, on est sur des... Eh bien, du coup, dans ces cas-là, les délégués vont quand même faire utiliser leur droit, soit leur droit d'alerte, effectivement, soit, si tu es dans une grosse boîte, un droit expertise. Voilà. En fait, le patron va se calmer parce qu'il sait que ça peut lui coûter du fric. Mais c'est lui qui prend en charge. Assez élevé, au cas où j'aurais déjà mis fin à mes jours, ou enfin, essayer de... Disons qu'avec une gravité assez importante... ces expertises vont être mises en œuvre, quoi. Enfin, d'accord. Voilà. Ce que je voulais juste dire, c'est ça, c'est que c'est pas harcelé parce que tu oui, tu sens que t'es harcelé. Il faut qu'il y ait... Il faut, voilà, que visiblement, ouais, il y ait, ouais, quelque chose, ouais, qui caractérise, ouais, ouais, ouais, et vous avez fait un harcèlement sur moi. On a des critères pour savoir, ouais, plus ou moins si c'est du harcèlement. Du coup, là, c'est les délégués du personnel à, ouais, qui j'adresse ma requête et qui vont faire en sorte qu'il y ait une expertise ou je ne sais quoi. Oui. Et ils le font déjà pour se protéger, parce que sinon, on va leur reprocher de ne pas l'avoir fait, tu vois. Okay. C'est ça, le truc. Et donc, ça marche plus ou moins, mais ça marche. Du coup, c'est le premier réflexe. Ils le font d'une part pour se protéger, aussi d'une autre part parce qu'il y a une demande et que, visiblement, la personne, ouais, a l'air d'être victime. Ouais. Disons que c'est imparfait, mais il y a quelque chose qui met fin quand même à cette situation, parce que l'employeur est exposé. Tu veux, en fait, l'expert, il sert à mettre sur la place publique le problème. Tu as des gens en cravate, enfin, pas en cravate, et j'exagère, mais... qui passent dans les bureaux et qui vont commencer à demander à tout le monde qu'est-ce qui se passe dans la boîte, s'ils se sentent bien et tout. Donc, pour peu que ta boîte, elle soit pourrie et qu'effectivement, le harcèlement que tu subis, ça soit plutôt significatif d'une gestion de merde, ouais. Les gens vont commencer à se lâcher pour son management et tout. Donc, en fait, l'expertise, elle sert quand même à libérer, si tu veux, libérer la parole. Quoi, à mettre au grand jour, en fait, certains aspects d'entreprise et sa gestion. Voilà, et du coup, ça sert par là. En plus d'avoir après un document dans lequel tu vas avoir quelques... En fonction de la qualité de l'expert qui se mouille plus ou moins, mais en général, c'est quand même aussi des gauchistes, les experts. Hein, ils savent comment écrire pour que ça serve après-demain devant les tribunaux. L'employeur, il va se calmer, il va licencier le cadre qui commence à faire n'importe quoi, qui soutenait jusque-là, hein, de toute façon, c'est sûr. Mais il va... Donc du coup, ça va laisser des traces. Donc l'expertise, du coup, du fric, mais, enfin, fait que dans la boîte, les gens commencent à l'ouvrir. Et du coup, après, tu as un document qui permet de te retourner contre eux. Et du coup, là, même si j'ai un mi-temps à 600 euros, en fait, c'est aux frais de l'employeur. De toute façon, c'est jamais aux frais de la victime, en principe. Ouais, mais toutes ces expertises, si le délégué du personnel juge que... Jusqu'aux ordonnances, Macron, ou désormais, il y a une participation maintenant, de 20%. Même cas de figure, on va dire, sauf que les ordonnances Macron sont passées, elles sont appliquées, et je viens vous voir, comment je dois faire. Alors, le truc, c'est que, en fait, dans les petites boîtes, t'auras pas... Enfin, d'après ce que dit Hervé... C'est que en fait, t'as plus de droit d'alerte dans les moins de 50. Et pour 50 les salariés après. Ouais. Excusez-nous. Ouais. Ouais. Et donc pour les entreprises où t'avais un CHSCT, Comité d'hygiène et sécurité des conditions de travail, les élus membres de cette instance vont avoir du mal à engager l'expertise parce qu'ils savent qu'ils doivent mettre la main au porte-monnaie, qu'ils n'ont pas forcément le budget. Parce que le budget d'un CHSCT, moi, je ne l'ai pas forcément là en tête. Je ne sais plus comment ça marche, mais c'est très réduit, en tout cas. Et s'ils se plantent, parce qu'en plus, ça peut être... l'expertise peut être contestée, le principe d'expertise peut être contesté devant les tribunaux par l'employeur. Et dans ce cas-là, c'est aussi leur budget qui doit prendre en charge l'expertise, quoi. Donc... Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les élus d'un CHSCT vont te dire « Attends, faut réfléchir à deux fois, tout ça. » Enfin, c'est beaucoup... A priori, ils vont pas être du tout encouragés à le faire. Et du coup, il y a pas mal de cabinets. En fait, j'ai lu là tout à l'heure, mais il y a environ 1400 expertises en France chaque année. CHSCT, c'est rien. Mais c'est encore pour davantage. Mais cette simple possibilité, elle est née, elle insupporte les employeurs. Parce que en fait, ça agit comme prévention. C'est-à-dire que élus peuvent aller voir le patron, dire si jamais ça se calme pas, vous savez qu'on a l'arme de l'expertise. C'est plutôt agité comme une menace, quoi. Ouais, je vois. Et du coup, demain, vu que les employeurs savent que cette possibilité sera pas utilisée, et ben demain, tu auras beau parler à tes élus que t'es harcelé, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a tenté de mettre fin à ses jours dans chez lui, etc. Tout ça, tout le monde s'en foutra. Hein. Du coup, pour résumer vite fait, en fait, là, je fais partie d'une boîte de moins de 50 employés. C'est les mort. Délégués du personnel n'auront plus cette mission, cette prérogative. Voilà. Ils pourront plus le faire. Ils pourront plus le faire parce qu'ils sont dépourvus de droits, c'est ça ? Voilà, ouais, ça c'est okay. Du coup, par contre, si je fais partie d'une boîte de plus de 50 entreprises, il y a possibilité. Il y a la possibilité. Mais il y a un coût. Mais il y a un coût qui est pris en charge par le CHS. Par le CSE. CSE. Oui. Ah oui, maintenant c'est et CSE. Oui, voilà. Par le CSE, qui fait que c'est un frein au niveau psychologique et autres. Mais financier. Oui. D'entamer une action en se disant qu'avec le calcul, vu le budget qu'on a, peut-être qu'on n'a pas assez déjà pour payer les premières expertises. Et peut-être que si ça s'enlise avec un appel de l'employeur par rapport au tribunal ou des décisions, on risque d'avoir un gouffre financier qu'on ne pourra pas assumer quoi qu'il arrive. Je te le dis très rapidement, comme ça. C'est des chiffres à peu près vrais que je vais te dire. Une expertise coûte à peu près dans les, allez, comme ça, 80 000, 100 000 euros. Un budget de fonctionnement d'un CE d'une boîte de 50-60 salariés, d'un comité d'entreprise qui serait maintenant désormais un comité social et économique, a un budget environ de 20 000 euros. C'est-à-dire en une expertise, il n'y a plus de budget. Grosso modo, si on résume, si c'est ça le coût, de fait, il n'y a plus de possibilité de faire l'alerte. elle existe, voilà. Sauf que ça coûte tellement d'argent. Voilà. Que donc, pour les grosses boîtes, ça marche. Ils pourront encore. Ils pourront, mais ce sera voilà. Exceptionnel. J'ai deux autres exemples quand même, très rapidement, là, sur la fusion, de ce que ça veut dire, la fusion des instances, là, en une seule instance représentative du personnel. C'est le CHSCT, là, donc, qui est apparu par les lois Auroux en 82, disparaît. Oui, ça, je sais. Bien, une vulgaire commission de la santé, la sécurité et des conditions de travail, comme ça l'était auparavant, avant les lois 82, qui était une commission au sein du comité d'entreprise. Mais avant, il y avait une obligation depuis les lois Auroux dans les boîtes de plus de 50 salariés. Désormais, non, c'est fini. C'est maintenant qu'à partir des boîtes de plus de 300 salariés, il y aura cette commission au sein des SCE. C'est incroyable. C'est une disparition de cette instance. Et voilà. Autre chose, quelque chose qui touche beaucoup plus les salariés qu'on le pense. Nous, un peu inspecteurs du travail, des fois, on est un petit peu sur notre tour d'ivoire. Et on ne voit pas que le concret. Avant, le comité d'entreprise, il y avait le budget à tout fonctionnement, mais il y avait aussi ce qu'on appelait le célèbre, les œuvres sociales, l'arbre de Noël. Oui. Il y avait un calcul très compliqué hein, pour savoir ce que le taulier devait donner à ça. C'est un calcul très compliqué. Maintenant, c'est plus simple. Avec la nouvelle ordonnance, les nouvelles ordonnances Macron, ça va être fixé par accord d'entreprise. Comme ça, il n'y aura pas de plancher minimum. Si il y a un accord d'entreprise, on prend un petit syndicat corruption de jaune, on dit bah, il y aura 1 euro pour l'arbre de Noël, pour tous les salariés. Ben voilà, il y aura 1 euro. Et voilà. Ça refroidit, hein. Ouais. Ça refroidit grave. Mais il y a l'arbre de Noël qui n'est pas trop grave, finalement. Ah, c'est plutôt... détrompe-toi, parce que c'est une représentation consciente pour tous les salariés de ce que c'est qu'une instance représentative du personnel. Mmh. C'est concret d'avoir un chèque de cadeau de Noël, par exemple, de 100 euros. Absolument. D'avoir... le comité d'entreprise a été créé quand même en 44-45. De fait, c'était tout le volet culture ouvrière, éducation populaire. Hein. C'était la culture au peuple. C'est après dérivé sur un petit train-train, voilà. C'est ouais. Un peu le spectacle de Chantal Goya. Mais... Je ne disais pas ça dans ce sens-là. Ouais. Je disais que par rapport à d'autres trucs. Oui. Qui ont un impact super fort, en fait. L'arbre de Noël à côté, c'est la petite cerise sur le gâteau qui a été offert à l'entreprise. Sauf que c'est ce que décrit, effectivement, il y a toujours plein de petits avantages qu'on détruit, qu'on oui, casse. Oui, oui, oui. Et aussi, c'est de dire à toutes ces instances, vous n'existez plus, quoi. Voilà. Vous n'avez pas de poids social, quoi. Après, ceci dit, c'est vrai que... Si elles peuvent aussi facilement disparaître, parce que bon, là, la partie, elle n'est pas jouée, on va dire qu'il y a toujours des manifs, il y en a encore une jeudi. Donc, du coup, bien sûr, bon, on va voir. Mais en tout cas, si on a. Je m'étais promis de ne pas parler de ça, mais si on a l'impression que ça ne décolle pas autant que ça devrait, c'est aussi qu'elles ne sont pas utilisées ou mises au service des travailleurs. En vrai, elles ne sont pas. Il n'y a pas un usage par les salariés eux-mêmes du truc. Enfin, par exemple, l'aspect délégataire. On le voit bien, de toute façon, au quotidien, ça nous met en rage. Mais dans les syndicats, la critique est un peu convenue, peut-être, mais parce qu'en fait, il faut aussi essayer de la changer, en fait. Mais le fait d'attendre que ton délégué, enfin, d'élire quelqu'un qui a toujours l'habitude de penser de ne pas te mettre en avant, tout ça, c'est vrai qu'il y a un train-train qui s'est installé, qui est mortel pour les instances. Et finalement, Macron et les patrons s'engouffrent dans cette brèche en disant, de toute façon, c'est utilisé mollement. Il y a des cas spectaculaires, il y a des camarades qui font le taf, et puis heureusement qu'ils sont là. Mais il y a quand même, c'est comme avec la Sécu ou les prud'hommes, je veux dire, c'est vrai qu'il y a un aspect très délégataire, l'État-providence. Enfin, je veux pas faire ma théorie à deux balles, mais c'est vrai que le fait d'attendre tout le temps que l'État nous, ou alors que des délégués nous fassent le taf, ça fait qu'on devient fragile après. Parce que ces instances, elles disparaissent facilement dès qu'on en a plus besoin pour, voilà. Mmh. Donc c'est vrai que, bon, en tout cas, il y a une fusion des instances, parce qu'il y a d'autres aspects dont il faut qu'on parle, et c'est vrai que temps passe. Donc il y a une fusion des instances, on ne se rend pas bien compte, mais c'est vrai que quand t'es harcelé, tout ça, ça va changer des choses au quotidien. Il y a tous les aspects aussi, consultation, en fait, c'est quand il y a des choses qui se passent dans la boîte, normalement, l'information est donnée aux délégués, hein, donnée aux délégués, et là, avec cette fusion, en fait, tout ça, c'est fait pour que l'information, elle soit plus donnée, et pour que les élus puissent plus, en fait, revenir vers les salariés pour dire attention les gars, on a appris que par exemple ils allaient tous nous regrouper en open space. Ou alors, on devra laisser les camions au dépôt et on ne peut plus les emmener chez nous. Ou alors, ils vont mettre des mouchards dans les voitures. Bon, c'est des aspects, normalement, qui étaient soumis à une consultation obligatoire des instances jusqu'à présent. Mais avec la dépossession, enfin, je veux dire, avec le fait que ces instances perdent tout leur pouvoir et tout ça, c'est des choses, en fait, le patron va pouvoir... En fait, l'idée, c'est que le patron puisse faire ce qu'il veut. Bon, voilà, sans que les élus aient à dire quoi que ce soit. Mais en plus, moi, ce qui apparaît aussi également dans ce que vous dites depuis tout à l'heure, quand tu faisais l'image, genre, maintenant, en fait, ils vont prendre des petits fours avec le patron, et puis voilà. C'est un petit peu l'image qu'on a des grands dirigeants syndicaux en général aussi, qu'après, ils sont très proches, ils prennent les petits fours avec eux. Mais c'est surtout, en fait, ils sont enfermés dans une logique et dans une fonction, vu qu'on voyait le cas du harcèlement moral, par exemple, où personne tente de se suicider, de faire eux-mêmes la police pour le patron. Puisqu'ils vont être inquisitoires quand tu vas leur présenter ton cas ou quoi, ils vont te poser des questions, ils vont essayer de vérifier. Et non, finalement. Non, mais après, ça, c'est en fait, le problème, c'est. Bon, c'est qui sont les délégués, mais. Le truc, c'est que quand tu les saisis d'une question, bien sûr que tu en as qui sont sceptiques, etc. Mais il y en a qui, en principe, sont quand même à tes côtés parce que c'est des délégués et qu'ils captent ce qui se passe. Ils ne sont pas moins bons ou meilleurs que d'autres. Ils ont leur. Voilà, ils ont. En fait, on dit souvent, je ne sais pas si c'est bien de dire ça, mais on dit que les patrons ont les délégués qui méritent. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu as une ambiance de merde dans la boîte, bah, les délégués, ils vont peut-être être chancelants, etc. On le sait, quoi. C'est-à-dire, en gros, quand t'as une boîte de gangsters, les délégués, c'est des gangsters, par exemple. Mmh. Dans le nettoyage, ou dans le. Où c'est souvent, c'est pour avoir un appel d'offres, vas-y, c'est ce que tu. Enfin, c'est pas. J'ai pas de preuves, hein. Je suis pas en train de révéler des scoops, mais en tout cas, ou dans la sécurité, quand tu dois. Donc, t'as délégué, en général, bah ouais, t'hallucines, mais en même temps, voilà. Donc, en fait, les délégués sont pas. Ça serait bizarre que tous les délégués soient pas dignes de confiance. Hein. Je parlais pas de ça, je parlais surtout de la logique de fonction, en fait. Si avant, t'avais. Plus de budget, beaucoup plus de capacité. Par exemple, à pas payer de ta poche, mais c'est l'employeur qui paye. Ou genre de délire, tu as d'autres logiques en fait dans ta tête et que tu appliques au quotidien. Le fait d'être enfermé avec beaucoup moins de budget, avec une capacité d'autonomie qui est largement réduite en fait, ça t'incite en fait à avoir un rôle qu'à la base tu n'apprends pas, tu ne vois pas, mais ça t'enferme dans un rôle en fait où toi-même tu feras la police à la place du patron sur des cas. Alors après, ce que tu dis, c'est à relativiser. Ces lois, quelque part, elles sont faites pour étrangler, là, comme je le disais, hein, les boîtes de plus de 5 ans, ils auront plus de CHSCT jusqu'à... C'est un des, toutes ces lois, c'est fait pour étrangler les boîtes de moins de 300 à 500 salariés. En fait, moi, j'ai un exemple en tête d'un très gros établissement que je contrôlais, je ne peux pas dire le nom, mais il faisait de la fabrication pour des avionneurs. Et c'était un établissement de 2500 personnes. Sur cette boîte de 2500 personnes, il y avait 300 à 400 adhérents à la CGT. Bah, je te dis, là, le rapport de force, il est le patron, il rase un peu les murs hein, dans cette boîte. Hein. Et là, le changement là, de CE en CSE, etc., ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose dans le rapport. Bon, il y a une répression, il ne faut pas non plus croire que c'est un monde idyllique. Mais quand même, quand il y a des rapports de force très très forts dans les très grosses boîtes, justement, ça touche un peu, mais ça ne touche pas frontalement. Vraiment, ceux qui sont touchés frontalement, c'est les PME. Hein. C'est la toute-puissance. Et les PME, on sait très bien, c'est la sous-traitance des grands décideurs, hein, voilà, des grands donneurs d'ordre. Donc, vous vouliez parler du deuxième aspect, parce qu'on avance. Ouais, de la négociation. On va faire d'abord une pause musicale, et après, on va enchaîner dans le deuxième aspect. Tu nous lances ça, Rambasson ? Merci. Brise pleure, mon humeur durcit la glace. Ceux qui disent le temps c'est de l'argent sont dans l'erreur. Si on met les zéros de côté, pas les heures. Je commande un café avant le texte pondu. Demande mon dû, car j'ai posé avant que le sucre ait fondu. Souvent en avance où le temps m'importe, mon pote. Si tu ne peux être à l'heure, faut que tu te téléportes. Quand on se rate, y'a pas de prochainement. La vie est courte et la mort a tout le temps. Né le matin, majeur à midi, vieux des 20h. L'histoire oublie les héros, pas les vainqueurs. 365 jours puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. Trois 365 jours, puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes. La vérité dépend de celui qui écoute, peu importe ce qu'on dit, le temps révèle tout. Le temps fait du bien à l'amour, contrairement à ce qu'on pense. Les regrets c'est quand on se rouvre concrètement. Le mauvais temps n'est pas le froid ou le gris, c'est ce qu'on s'était juré, qu'à force on oublie quand j'arrive pas à écrire. Le mauvais temps, celui qui te ronge, la migraine quand tu t'interroges. Les rêves s'éloignent, tu cours à leur poursuite. En vieillissant, de moins en moins de plumes poursuivre. La durée de ma chanson est décroissante. Désolé, je ne sais compter que jusqu'à 60. 365 jours, puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. Vivre, c'est déchiffrer des lettres, des chutes et des litres, des chèques et des contrats. Tout ce que tu pourras et lorsque tu pourras plus, tout va ralentir. Signe que l'avenir devient repentir. Chaque marche passée, l'escalier s'effondre. Alors je saute en chantant chaque seconde. La vie est un beau train avec de sales wagons. Et la chance vagabonde, j'attends pas qu'on m'approuve. Je suis un grand de ce monde, compose avec la lumière en tant qu'homme de l'ombre. Le temps commence à manquer, tu l'espionnes. 365 jours, puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes. Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Au fond près du radiateur 106.3, fréquence Paris pluriel, en compagnie de Moustapha, Mouloud, Hervé, Bob et Robinson à la technique. On a fait un petit rappel sur cette date d'aujourd'hui qui est le 17 octobre 1961 par rapport à la répression qu'il y a eu sur les Algériens et notamment tous les Nord-Africains qui ont été tués ce jour-là. Et on est avec Hervé et Bob, inspecteurs du travail, qui nous parlent des lois Macron et de l'incidence et de l'impact que ça aura. Il y avait un deuxième aspect du coup qu'on voulait peut-être un peu expliquer. C'était, on en a entendu parler, mais bon, vas-y, c'est... C'est l'inversion de la hiérarchie des normes dans un sens défavorable aux salariés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce jargon voilà, juridique indignable. L'inversion de la hiérarchie des normes. Alors, un petit exemple. Alors, avant, ça veut dire juste comme ça. Avant, jusqu'au début des années 2000, j'en reviens toujours, surtout la célèbre loi dite Fillon du 4 mai 2004, c'est la loi... prévalait toujours sur la convention collective de branche qui elle-même primait sur les accords d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? La loi, on prend l'exemple de la rémunération. La loi prévoit qu'on ne peut pas être payé en dessous du SMIC. Oui. L'accord de branche peut dire on ne pouvait pas avant baisser en dessous du SMIC. Donc la branche pouvait être que supérieure. Et après, l'accord d'entreprise pouvait encore n'être que supérieur à l'accord de branche. Par C'était exemple, ça la hiérarchie. La métallurgie, par exemple. Voilà. Il y a des grilles de salaire dans la métallurgie qui étaient au-dessus du SMIC, c'est clair. Voilà. Et dans l'entreprise, par exemple, j'en sais rien, Alstom, qui était, je pense, de mémoire dans la métallurgie, du coup, ils avaient encore des grilles plus favorables que celles de la branche. Par exemple, je prends un exemple. Voilà. Le SMIC est à 9,60, j'oublie toujours. L'accord de branche prévoit 10 euros. Et l'accord d'entreprise pour 11 euros. C'est ça le principe favorable aux salariés. Désormais, depuis les années 2000, tout devient défavorable aux salariés par l'accord d'entreprise. C'est-à-dire que l'accord d'entreprise peut déroger et à l'accord de branche et à la loi. Pas sur la rémunération, attention, mais sur la durée du travail. Par exemple, je donne un exemple. La loi prévoit actuellement qu'on travaille maximum 10 heures par jour. Un accord d'entreprise peut déroger et dire qu'on travaille 12 heures par jour. Il suffit juste d'un accord d'entreprise. Pareil pour la durée de nuit. la durée du travail de nuit, on prévoit 8 heures. Non. Il peut avoir un accord d'entreprise qui dit, bon, non, on travaillera désormais minimum 8 heures, sans donner de maximum. Hein. Et juste pour préciser, ça dépasse le cadre des lois européennes ou pas? Parce qu'il y a un ensemble de lois européennes qui prévoit un maximum. Il y a toujours le garde-fou de la Cour de justice de l'Union européenne, mais qui est un tribunal qui est ultra-libéral. Mais sauf que son ultra-libéralisme, maintenant, devient pratiquement un garde-fou contre l'ultra-libéralisme français. Mais du coup, si on suit cette logique-là, si tu es dans une petite boîte, et par exemple typiquement PME, etc., ton patron se lève un jour, il dit bon, maintenant vous travaillez, je sais pas combien d'heures en plus, etc. Alors justement, tout ça, il va avoir encore des seuils, des effectifs, comme on disait tout à l'heure. Désormais, maintenant, quand il y aura des boîtes de moins de 20 salariés, il n'y aura pas de représentant du personnel, il fera un référendum, vous voyez, aux deux tiers pour dire bah, désormais, vous allez bosser 40 heures, vous serez payé que 35 heures. On ratifie ça aux deux tiers. Ah, il y en a quand même deux, trois qu'on sait qui c'est. Hop, on les vire tout de suite du jour au lendemain, évidemment, sans aucune protection. C'est-à-dire qu'on essaie de faire de plus en plus que la négociation, c'est-à-dire négocier entre deux parties. C'est complètement faux. Que toutes les décisions unilatérales de l'employeur passent coûte que coûte. Avant, la négociation en entreprise et en branche, c'était obligatoirement ce qu'on appelait le monopole syndical. Mais ça ne leur suffit pas. Il faut essayer de trouver, parce que même chez la CFDT, même chez la CFTC, on peut trouver des délégués syndicaux normaux, un peu humains, un peu une petite conscience sociale chrétienne, qui dit « Oh non, non, c'est pas bien de voter, de ratifier un accord d'entreprise comme ça. » Donc, on écarte ça. Et maintenant, on va prendre le salarié lambda et on va lui faire signer des accords d'entreprise. Grosso modo, là, je vulgarise un peu, mais pour vous expliquer de façon très grossière. C'est ça. Donc, maintenant, il faut comprendre que tout est dérogeable de façon défavorable pour les salariés. C'est-à-dire que la loi ne protège plus. C'est-à-dire qu'avant, la loi, elle protégeait, même si de fait, dans beaucoup de PME, tu avais des espèces d'accords tacites, on va dire, si tu fais 10 heures par jour, je te donne 1005, 1006. Mais par contre, tu ne dis pas que tu fais 10 heures par jour. Ah, mais ça, on est dans l'illégalité, là. Ouais, on était dans l'illégalité. Maintenant, du coup, en fait, on légitimise et on met à l'aise certains patrons de PME par rapport à ces situations-là. Quoi. Totalement, totalement, totalement. En fait, maintenant, ils réécrivent le code du travail en mettant, en parlant de dispositions impératives et supplétives. Alors, il y a trois notions maintenant. Il y a l'ordre public, c'est-à-dire la loi, ce qu'on ne peut pas dépasser, soi-disant. Après, le champ de la négociation, sur quoi on peut déroger dans la loi. Et quand il n'y a pas de négociation possible, c'est ce qu'on appelle les dispositions supplétives, à défaut. C'est quoi D'accord. une disposition supplétive? Par exemple, comme je te dis là, la loi autorise de travailler 10 heures maximum, tu peux y déroger par un accord d'entreprise. Si tu n'y déroges pas, tu retournes sur les 10 heures. Ok. Voilà. C'est ce qui était auparavant obligatoire, ne devient maintenant que supplétif, en termes clairs. Voilà. Donc, sur la durée du travail, ça a été fait par les lois travail. La loi El Khomri, c'est la loi El Khomri qui a vraiment mis ça dedans. Ouais. Et d'inversion, je vous dis, c'est début des années 2000, sachant quand même que sur les lois de la négociation collective, il y en a eu, depuis les années 45, il y en avait eu 12. Il y en avait eu une quinzaine, pardon. Il y en a eu 10 sur les 15, là, que je vous dis, depuis les années 45, il y en a eu 10 depuis 2004. Et à chaque fois, c'est remettre en cause de façon de plus en plus excessive la protection des salariés et le côté dérogatoire et mettre en avant de plus en plus le côté défavorable pour les salariés. Et ce, quelle que soit la couleur politique du gouvernement. L'accélération la pire qui a eu lieu, c'est quand même par Hollande et ses caniches. Hein. Mais pour retenir... L'essentiel, c'est quand même que il y a, en même temps qu'on permet aux entreprises de déroger, c'est-à-dire de ne pas respecter une norme impérative, mais de pouvoir varier dans la fourchette haute des possibilités d'exploiter la force de travail, c'est-à-dire sur la durée du travail, c'est clair, porter à 46 heures par semaine maximum la durée du travail. En même temps qu'on permet aux employeurs de faire ça, on facilite. La prise de décision, la mise en œuvre de ces... je m'explique, c'est-à-dire que jusque-là, on disait, on peut déroger, mais vous inquiétez pas, il y a un syndicat qui traîne et qui va signer ou pas la possibilité de déroger. Ça, c'est ce qu'on disait. On disait mais en fait, maintenant, avec ce que prévoient aujourd'hui les ordonnances, c'est que ça pourrait être mis quasiment de façon en œuvre de façon unilatérale. Parce qu'en fait, on sait que le référendum, c'est pipeau. Donc du coup, en fait, l'employeur dispose là d'une possibilité de contourner les syndicats qui sont suffisamment découragés pour pas réussir à mobiliser aujourd'hui, mais alors que là, ils signent leur arrêt de mort parce que les syndicats ne servent plus à rien. Bon, en même temps, ça veut dire qu'on va pouvoir les utiliser pour faire des choses maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que là, l'employeur peut mettre en œuvre de façon unilatérale la dérogation. Alors que jusque-là, on nous disait, ne vous inquiétez pas, les syndicats sont là pour être vigilants. Maintenant, en fait, les syndicats ne servent plus à rien. Donc c'est, j'ai envie de dire, voilà, quoi. Les syndicats sont morts. Des exemples concrets. Souvenez-vous, il y a eu quand même, c'était l'accord en Picardie de Goodyear, là où ils avaient signé en disant vous serez moins payé, vous bosserez 40 heures, etc. Rien, non, c'est pas Goodyear, non. Continental, non Non, pas des continents, non. Ou Dunlop. Enfin, et ça n'a pas empêché d'avoir un accord en disant on fait un accord défavorable pour vous les salariés, mais pendant quelques temps, l'histoire qu'on redresse un peu la situation de la boîte. Et deux ans après, ça avait été signé par la CFTC. Et deux ans après, on ferme la boîte quand même. Jusque-là, ils trouvaient toujours des délégués pour signer des dispositions pour déroger. La dérogation, c'est une technique qu'ils ont utilisée dès Aubry, enfin même peut-être avant, mais en tout cas le cas le plus spectaculaire, c'était les lois de réduction du temps de travail. Les 35 heures. Les 35 heures, où en fait on a demandé aux employeurs, enfin on a permis aux employeurs de réorganiser l'outil de travail et d'intensifier le travail. En abaissant dans une certaine mesure la durée du travail. Et pour ça, on a ouvert des possibilités de dérogation, la technique, l'idée, quoi, la théorie, tout ça, ça a été quand même élaboré à cette époque-là. Hein, parce que jusque-là, on ne voyait pas tellement l'intérêt de faire des lois et de permettre aux employeurs d'y déroger. Hein. Donc là, en fait, on revient là-dessus. Moi, j'arrive pas trop à savoir pourquoi ils se permettent de faire ça. Est-ce que ça va passer? Ça me passionne. J'ai envie de savoir comment vont réagir les gens. Mais c'est vrai que dans un premier temps, il n'y a pas trop de réactions. Hein, pourtant, c'est vrai que là, l'employeur, de façon unilatérale, va pouvoir porter toutes les normes, les standards de travail au maximum de l'exploitation possible des salariés. Mais dans un marché du travail où l'offre elle est largement inférieure à la demande, en fait. L'offre de travail est largement inférieure à la demande. Je ne sais pas, ça c'est une question que je ne maîtrise pas. Je n'en sais rien. On a un taux de chômage assez important. Ah oui, mais ça c'est... Oui, mais après, c'est vrai que... Oui, tu as comme disait Marx, c'est quand même l'armée de réserve, hein, le chômage. Oui, c'est ça. Exactement. Le but des... C'est peut-être pour ça qu'il y a un manque de réactivité. Tu vois. Des salaires déjà assez bas où tu as des fins de mois difficiles pour beaucoup de gens. Et tu as beaucoup de gens qui sont en attente de boulot et tu as une concurrence qui s'installe entre les gens et du coup, c'est la personne... Non mais après, le législateur, ce qu'on dit législateur, c'est le gouvernement, hein, est toujours... est pas idiot hein, en soi. Il dit, mais non, on va pas faire que des décisions unilatérales de l'employeur, ce sera mal vu, ça fait un petit côté dictatorial, tyrannique du taulier, de l'employeur. Il fait, oh, bon, on va faire des référendums. Le référendum, qu'est-ce que c'est que le référendum en entreprise? Ça laisse sous-entendre quoi, quelque part? Mais ça marche comment? Ça laisse... Alors, la décision du référendum, elle est uniquement à l'initiative de l'employeur, déjà. Dans les petites boîtes, en 2-20. Mais ça sous-entend quoi? Mais qu'il y a égalité entre l'employeur et les salariés. C'est-à-dire que le principe même philosophique, théorique, de tout ce que vous voulez, du droit du travail, à savoir... Le lien de subordination qui existe entre un employeur et un salarié, désormais, n'existe pas. On est à égalité de traitement, comme il a existé, on l'avait vu déjà dès la loi de 2007 sur la rupture conventionnelle. Enfin, bon, on verra ça un petit peu plus loin. Là. Voilà. Donc, après, bon, si vous voulez, sur cet aspect-là, on va peut-être pas trop s'étendre. C'est très technique. Hein, parce qu'en fait, concrètement, c'est juste que t'avais des points... Ah oui, si, c'est quand même important. Ça veut dire aussi... que maintenant, quand tu veux connaître tes droits, tu ne peux plus ouvrir le code. On a reproché au code d'être trop volumineux. Le truc, c'est qu'avec cette technique de dérogation, en fait, tu as besoin du code et de tous les accords des boîtes sur ton secteur si tu veux savoir quel est le droit applicable. Ah bah oui. Et donc, du coup, il y a une opacité. Et des accords de l'entreprise aussi. C'est-à-dire qu'il y a différentes lois, différents accords, différentes normes. Donc, si tu as réussi à être dans une entreprise qui a des accords, entre guillemets, avantageux pour le salarié, en tout cas que les salariés ne sont pas trop cassés, vaut mieux être dans cette entreprise-là. Et de l'autre côté, à trois pas, la même entreprise qui fait à peu près la même chose, là, c'est une catastrophe. Oui, voilà. Mais concrètement, avant, j'avais un code du travail à la maison, je pouvais le consulter et puis savoir plus ou moins où j'en étais ou pas, c'est ça ? Enfin, voilà. Entre guillemets, je sais pas. Maintenant, il faut que j'ai le code du travail, certes, mais il faut aussi que je sois au courant des accords de mon entreprise. De branche et de l'entreprise. Et de branche. Ces accords, ils sont accessibles aux employés ou pas ? On peut arriver, les demander ou les avoir. Eh bien, justement, tu peux l'avoir maintenant. Ils ont complexifié, évidemment, l'accessibilité des salariés à ces documents. C'est maintenant, ils ont fait une espèce de machine bureaucratique. Inatteignable pour les salariés qui s'appelle la base de données économiques et sociales, et que seuls les représentants du personnel y ont accès. En principe, tu as un accès. En principe, on va dire que tu as le droit. Ton employeur te doit. C'est affiché, logiquement. Il y a une obligation d'afficher. Te doit ces choses-là, mais quand l'employeur il veut te. Quand tu es dans une boîte où ça ne va pas, le principe de base, c'est que tu n'auras pas tous ces droits-là élémentaires garantis. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que nous, quand tu viens nous voir pour nous demander quel est ton régime de durée applicable, est-ce que je peux travailler, combien d'heures dans la semaine, etc., il va falloir qu'on se renseigne quasiment auprès de l'employeur. Pour savoir quel est le droit applicable. On pourra dire, mais attention, ça dépend, peut-être que votre employeur a trouvé les moyens, avant que vous n'arriviez dans la boîte, de faire valider ce qu'il voulait par un accord. Il n'y a plus vraiment de repères, quoi. Du coup, en tant qu'inspecteur du travail, ça complexifie aussi votre travail. Ah bah totalement. Ah, nous, on va plus avoir accès à la connaissance du droit en vigueur dans l'entreprise. Concrètement, vous aurez le code du travail, éventuellement les accords de branche, mais pas les accords d'entreprise. Non, il faudra leur demander systématiquement. C'est une autoréglementation, en fait. Mais les accords de branche, qui c'est qui les gère ? C'est un regroupement de branches d'entreprise ? En gros, effectivement, tu as des syndicats de patrons et de salariés au niveau d'une branche. Qui négocient ensemble des accords. Et ça, normalement, tu les as effectivement sur Internet, puisque ça fait l'objet d'un arrêté d'extension, un truc officiel. Et du coup, tu les retrouves sur Légifrance. Ça, c'est accessible facilement. Ouais, c'est, du coup, pour vous, le problème en tant qu'inspecteur du travail, ce sera d'accéder aux accords d'entreprise et de savoir concrètement ce qu'il y a dedans, depuis combien de temps, et sans que. Ouais, voilà, en fait, comme ça devient. Sauf que la loi Macron remet tout à zéro, faut le savoir. Ça avait commencé par les lois, par la loi El Khomri. Tout est remis à zéro. Avant, tout ce qui était des accords d'entreprise, c'était à durée indéterminée. Maintenant, c'est à durée 5 ans. Donc, tout est fini. Tous les 5 ans, l'employeur peut aller encore de façon dérogatoire, défavorablement, de plus en plus loin à chaque fois. Mais en tenant quand même informé, les délégués du personnel. Il a une obligation d'affichage. Il a une obligation d'affichage, mais bon, l'obligation. Et donc, le CSE, dans ce cas-là, il a un contre-pouvoir s'il n'y a pas d'affichage ou d'informations transmises ou quoi que ce soit il va nous saisir. On est assez souvent saisi sur les problèmes, justement, d'affichage. Et on y va, on dit à l'employeur, c'est pas beau, là. Je le remets tout de suite. Mais vous savez, c'est pas moi. C'est les salariés, ils les arrachent parce qu'ils n'aiment pas représentants syndicaux de la CGT. C'est ça. Voilà. Alors, on va voir le... On avance un petit peu, le troisième aspect qu'on voulait aborder. Oui, en fait, il y a les aspects contractuels. On est désolé, c'est un peu au pas de course, mais en gros, c'est juste que... les aspects contractuels, il y a un peu deux choses. Quand je dis contractuel, c'est le contrat de travail. Donc, en fait, pour le dire vite, un contrat de travail, c'est pas un contrat comme un autre, c'est pas comme acheter sa voiture, mais il y a quand même cette idée-là, c'est que tu peux te faire respecter par ton contrat de travail. C'est-à-dire que les choses qui sont écrites dans ton contrat de travail, tu devrais pouvoir les opposer à ton patron. C'est-à-dire qu'en gros, de la même façon que tu achètes une voiture rouge et pas bleue, tu as décidé de travailler, par exemple, dans une aire géographique déterminée, sur un certain métier et sur certains horaires. On peut imaginer que c'est normal et que l'employeur ne peut pas revenir vers toi en disant « Bon, écoute, demain, d'ailleurs, avec une certaine rémunération. » Donc, il y a des éléments comme ça qu'on dit qui constituent le contrat de travail. Le contrat, c'est certains éléments sur lesquels tu t'es engagé et pour lesquels tu as pris ton poste. En plus du fameux contrat. Non. C'est ça le contrat. Le contrat, c'est la rémunération. En gros, une aire géographique, on va dire, même si c'est un peu discutable. Les contenus de tes tâches et le rythme durée, de travail parce que là le rythme de travail durée le prix le salaire les trucs un peu comme ça genre on peut pas imaginer qu'on te l'échange sauf que alors il y a donc ça c'est un contrat alors Donc il y avait plein de débats, mais ça emmerde vachement l'employeur. Parce que ça, c'est encore une résistance libérale, parce que c'est un contrat, c'est un truc libéral. Parce que tu fais pas autre chose que pas pouvoir faire autrement que devant ta force de travail. Donc en fait, les peu de choses que tu arrives à inscrire dans le marbre de ton contrat, c'est un hasard. À part ton nom et ton prénom, si, en gros, comme d'habitude, hein, si t'es bien formé, etc., t'as de la chance, t'auras ces trucs-là dans ton contrat. Sinon, bon, bref. Mais bon, il y avait encore ça, quoi, quand même. Ben ça, les employeurs et Macron se sont dit, non, mais c'est encore trop, quoi. Donc du coup, alors il y a deux choses. C'est que le contrat de travail vole en éclats parce que tu ne peux plus faire réparer. Normalement, quand tu as un contrat, tu peux faire, enfin, même dans tous les aspects, même sans contrat, tu peux faire réparer, on appelle ça un préjudice subi. Tu peux te faire indemniser un préjudice subi. C'est fini, ça. C'est le seul domaine de la vie sociale, de la vie tout court, humaine, en droit, sur le plan juridique, où tu ne peux plus te faire réparer ton préjudice, c'est le droit du travail, et c'est quand tu es un salarié. Par exemple, j'ai eu un retard de salaire de plus de 20 jours. T'a causé un préjudice auprès de ta banque. Et du coup, je vais faire appliquer le taux d'intérêt. Voilà, exactement. Ça, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu as juste tes 20 jours de remboursement et tu n'auras pas tes taux d'intérêt. Okay. C'est surtout que tout ce que tu as causé, le retard de salaire de l'employeur, c'est par exemple les AJO, etc., ou les trucs. Bon, voilà, c'est tout. Ou alors, même le préjudice d'anxiété, on pourrait imaginer, ou le fait que tu aies une rupture, que par exemple. Tu dors dans un hôtel, voilà, t'as exactement. Pas pu payer, t'es dehors tout de suite. Donc, enfin, les avocats sont les spécialistes de ce genre de, tu vois, de requêtes, de machin. Ouais. Tout ça, c'est fini. Maintenant, tu as des barèmes. Il y a une barémisation. Ils avaient essayé avec la loi travail avant, avec Macron, elle l'avait déjà sorti, et le Conseil constitutionnel avait retoqué, enfin on s'en fout. Et du coup, la loi travail l'avait mise en avant, et puis comme ils avaient senti que ça pouvait risquer de s'emballer, que la CFDT même gueulait, là on l'entend plus, c'est bizarre, mais non. Et donc du coup, là ils sont revenus, ils ont dit, bon, c'était indicatif, maintenant on a fait un vrai barème, comme il faut. Et du coup, les juges pourront pas, qu'il y ait un barème qui est fonction de l'ancienneté, de la taille de l'entreprise. Je sais pas si vous imaginez le délire. En fait, en fonction de la taille de l'entreprise, t'as pas les mêmes droits. Hein, c'est comme si, en fait, un échafaudage était obligatoire dans les grosses boîtes et pas dans les petites boîtes, par exemple. Hein. Ouais. Bon, bref. Donc, du coup, là, t'as un barème, c'est-à-dire que l'intégralité de ton préjudice ne peut plus être réparée, alors que c'était la fonction élémentaire de la justice dans un pays, surtout libéral, en fait. Depuis Napoléon, c'était ça, en gros. Enfin, hein, j'exagère, c'est depuis la fin du 19e qu'on a dit aux travailleurs qu'ils pouvaient raisonner aussi comme n'importe quel contrat pour se faire réparer leur accident de travail, etc. Mais en gros, ça, c'est fini. Donc, il y a une barémisation. Donc, on peut passer... Alors, par exemple, pour donner un ordre d'idée, jusque-là, tu avais quand même un minimum quand même qui existait. Tu n'avais pas un maximum, mais tu avais un minimum. Parce que maintenant, tu as un maximum. Hein. Les juges ne peuvent pas aller au-delà. Tu as un plancher et un plafond. Mais simplement, avant, tu avais 6 mois minimum d'indemnisation pour quelqu'un qui a, 2 ans d'ancienneté. Maintenant, tu n'as plus que 3 mois. Donc voilà, ça, c'est clair et net. Voilà, on va vous donner quelques exemples, justement. Maintenant, les prud'hommes, donc, pour 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés, il aura au minimum 3 mois. Mais au maximum, 3 mois aussi, d'indemnité. Peu importe. Alors, on dit toujours les licenciements sont causes réelles et sérieuses. Ça, c'est du jargon juridique. Concrètement, les gens, les travailleurs, la vraie vie, quoi. On dit licenciement abusif. C'est plus vrai le mot de dire abusif que les licenciements sont causes réelles et sérieuses. C'est-à-dire que le patron, du jour au lendemain, il te lourde, parce qu'il en a marre de ta gueule, il va budgéter ça. Il sait que dans trois ans, il aura maximum 3 mois d'indemnité minimum et 4 mois maximum, pas plus. Alors qu'avant, il risquait d'avoir 6 mois minimum. Vous voyez, quand ça avait 2 ans. Et là, je vous parle de 4 ans. Pardon, 6 ans... Je vais même donner encore pire. Le gars, il a 30 ans de boîte. Imaginez ce que ça veut dire. 30 ans de boîte. Il peut avoir minimum 3 mois. Et maximum que 20 mois. Même pas 2 ans d'indemnité pour 30 ans. Ouais, donc c'est royal. Donc là, c'est un truc, bon, tout évident, mais c'est limité, du coup, enfin, faire en sorte que ça coûte le moins cher possible aux employeurs. Mais voilà, quoi, c'est fixé à l'avance, comme dans un régime assurantiel. Il faut que les employeurs sachent ce que ça leur coûte de mettre quelqu'un à la porte. C'est-à-dire qu'en gros, sa colère, là, quand il ne veut plus voir quelqu'un, il va dire, mais en fait, si jamais vraiment je lui dis de se casser, ça me coûte combien ? Et là, il le sait. Oui, ça lui coûte 3 mois, par exemple. 3 mois, allez, vraiment, je ne peux plus le voir, 3 mois, allez, je les lâche. Alors qu'avant, si le salarié pouvait rapporter la preuve, c'est toujours inégalitaire, mais en fonction des moyens que tu avais autour de toi pour le faire, mais en même temps, du caractère vexatoire du licenciement, etc., des conditions dans lesquelles c'était fait, tu avais des chances de lui arracher l'indemnisation de ton préjudice, ni plus ni moins. Hein. C'était pas non plus, c'est pas des gauchistes les juges. Hein. Je vous rappelle qu'il y a quand même la moitié des juges prud'homaux, c'est des employeurs hein, quand même. Hein. Donc voilà. Donc c'était juste un truc minimal pour pas que les gens aillent cramer leur boîte. On verra bien ce qui va se passer par la suite. Donc voilà. Donc après, parallèlement à ça, à la barémisation de l'indemnisation, hein, ce qui n'existe dans aucun autre domaine de la vie sociale. Hein. Ouais. Donc il y a la fin de la motivation du licenciement. Ça, c'était une loi de Giscard. Enfin, Giscard, c'est pas non plus un gauchiste, hein, de 73. Et cette loi, ils reviennent dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, l'employeur est obligé de motiver le licenciement. C'est-à-dire qu'il envoie une lettre qui est assez, où il y a un ensemble d'explications, où il doit quand même viser assez précisément ce qui s'est passé. Et sans ça, les juges, ils vont le remettre un peu à sa place et sur cette base-là, ils vont donner une indemnisation. C'est-à-dire qu'on justifie, il doit justifier son licenciement. Le truc normal, quoi. Voilà. Je veux dire, en gros, la notification. Il est obligé, c'est quand même un acte grave de licencier quelqu'un. Il est obligé de donner quand même un certain nombre de détails. Bon voilà. Aujourd'hui, c'est fini ça. En fait, déjà, si jamais tu as envie de contester le motif de ton licenciement, dans un certain délai, j'ai oublié, mais assez court, il faut que tu, dans les ordonnances Macron, il faut que tu demandes à l'employeur de justifier. C'est-à-dire qu'en fait, il a le droit à un deuxième coup. Il te lourde. Et si jamais tu veux contester, il faut que tu lui demandes une explication en plus. Donc en fait, si tu demandes ça, il va appeler son avocat, il va le faire. Alors que jusque-là, il ne faisait pas à tous les coups. Donc en fait, il va aborder le truc en plus de ça. Le gouvernement a prévu, c'est pas encore sorti, de faire des formulaires types de licenciement. Je sais pas si vous voyez le truc. C'est-à-dire qu'on peut plus attaquer après. Ça sera presque un QCM. Voilà. Ouais. Un QCM où il va cocher des cases. Et ça, tu pourras plus. En fait, ça sera forcément motivé, puisque finalement, tu auras rempli le bon CERFA pour motiver la personne. Mais concrètement, là, c'est la mort du CDI, en fait. On peut dire ça. Dans le monde privé, Et des prud'hommes, enfin, de tout. Parce que les représentants du personnel, de la protection de base qui est du code, alors, du, code pas du travail. Parce que je vois qu'il reste quelques minutes, mais juste, il y a quand même des choses très importantes. C'est le contrat d'opération. Jusque-là, parce que sur la précarisation des rapports de travail, quoi. T'as deux choses. T'as les CDD qui sont, ça y est, ils peuvent se lâcher sur les CDD. C'est-à-dire que le nombre de recours et la durée. Alors, dans une certaine... Le délai de carence, pardon. Ouais. Il y a les trois. Les trois. Ouais. Donc, du coup, peuvent être fixés par la branche. Hein? C'est-à-dire que la loi actuellement prévoit maximum... Bon, il y a des petits trucs à la marge, mais... Prévoit maximum deux renouvellements. C'est ce que Al-Khamouri, vous vous souvenez, ne savait pas répondre. Oui. Deux renouvellements. Durée maximale... Ouais, c'était un... 18 mois. Et un délai de carence, grosso modo, on ne va pas rentrer dans les détails, mais d'un tiers. La branche peut dire désormais non. Limiter, quoi. On monte à 4 ans. Rien n'interdit. On monte à 4 ans. On fait plus de délai de carence. Et c'est quoi l'autre? Et on fait 5-6 renouvellements. Ouais. Parallèlement, il y avait une très vieille loi aussi. Enfin, une très vieille loi, pardon. Une loi de 2004, je ne sais plus trop, qui diminue aussi le taux d'indemnisation de la précarité. On était passé de 10% à 6%. Donc, ça, ce sera totalement négociable par la suite. Donc, ça n'est pas encore dans la loi, mais... Donc il y a certains secteurs qui attendaient que ça, c'est sûr, ça les ennuyait. Donc le CDD va devenir la norme dans plein de secteurs. Et parallèlement, il y a aussi le contrat de chantier, qui était un contrat qui était prévu dans la branche bureau d'études et dans le BTP. Bon, moi, j'en voyais pas tant que ça dans le BTP. Ah bon, ok. C'est quoi un contrat? Non, Syntec, j'en voyais beaucoup en informatique. Voilà, c'est ça. Donc en fait, en principe, tu as soit un CDI, soit un CDD, et il n'y a pas vraiment de... Alors, tu peux aussi avoir un CDD pour remplacement, mais tu n'as pas de CDD, en principe, parce que c'est un contresens, jusqu'à ce que tu aies fini le travail qu'on t'a demandé de faire. Sinon, en fait, il n'y a plus de terme au contrat, quoi. En fait, et là, malgré tout, tu as des branches hein, où ils ont mis en avant une production irrégulière, etc., ou qu'on ne pouvait pas savoir. Et du coup, mais il y avait des contreparties quand même, et du coup, où il parlait de contrat de chantier, c'est-à-dire un contrat jusqu'à la réalisation du chantier. D'accord. Et là, en fait, il le généralise. Surtout Ouais. Toutes les branches pourront signer des accords. Donc, c'est-à-dire, c'est tout le côté négatif du CDI et tout le côté négatif du CDD. Rien de positif dans les deux. Hein. Voilà. Mmh. On est dans la précarité. Les services à la personne. Là, ça s'adresse beaucoup aux salariés du secteur privé, j'imagine. Est-ce que sur la fonction publique, sur les formes de fonction publique, ça peut avoir un impact plus tard ou pas pour l'instant, parce que c'est pas encore prévu. Sachant quand même que le secteur public ne respectait pas les règles du privé sur la précarité, notamment. Oui, sur la précarité, ça c'est. Donc du coup, ça, vous allez en entendre parler, ça va être un truc de malade. Et du coup, c'est vrai que avec la loi travail, on avait vu valider les plateformes de mise en relation avec les clients, hein, Uber, Deliveroo, etc. Enfin, Macron avait déjà. On n'en a pas parlé, mais il y avait déjà ça qui s'était installé. Bah là, il y a une autre technique, du coup, pour précariser encore davantage, les travailleurs et les travailleuses, quoi. Hein, ça va être l'horreur, ça. Du coup, là, on s'approche de la fin. On peut faire un petit mot quand même pour des camarades. Je vais vous laisser la parole 2-3 minutes si vous voulez vous lâcher sur un truc, mais juste 2-3 minutes vraiment. Alors, après Robinson, il enchaîne une pause musicale et on finit l'émission. Tu peux y aller. D'accord. Alors, on fait une campagne quand même avec les sans-papiers, différents collectifs de sans-papiers et l'inspection du travail au niveau de l'Île-de-France. Collectif du 93 d'ailleurs notamment. Cette campagne où on veut que un agent de contrôle voit un travailleur sans papier, ce constat fait que grâce à ça, il peut avoir une régularisation par le travail. C'est une lutte acharnée. On en est dans une campagne avec et cette campagne, elle se traduit notamment par des envahissements des directions administratives, de notre administration, par exemple, régionale, qui a eu lieu le 6 juillet. Le 6 juillet, donc, a eu un envahissement avec 400 à 500 travailleurs sans papier, et ça a donné lieu à une répression forte de la part de notre ministère, où deux collègues qui ont été pris au hasard, militants de la CGT, très connus du ministère, se sont vus affliger un blâme hier. Donc, on apporte toute notre solidarité à Mornia et Thomas. Il faut vraiment que la CGT, elle soutienne aussi, parce que c'est les militants de la CGT, soutienne nos camarades et qu'on ne puisse pas criminaliser l'action syndicale. Merci beaucoup, Bob. Merci, Hervé. Merci, Mouloud. Merci, Robinson. Merci, FPP. On va se quitter en musique. C'était l'émission Au fond près du radiateur sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et juste après nous, vous retrouverez Dooboot avec Lucien à la technique. Salut. Come to mash down everything that's calling Jawarias. All the bits of myths now we say cause of it cause it's calling Jawarias. You never get anywhere with. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook, notamment Au fond près du radiateur. N'hésitez pas surtout à partager autour de vous et puis sur les différents réseaux. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site archive.org, toujours intitulé Au fond près du radiateur. Également sur rfpp.net, c'est le site officiel de la radio, rfpp.net. Voilà, bonne semaine et à très bientôt, hein, le mardi soir de 19h à 20h30. To shut and to scatter and melt Babylon brick wall. And right before our eyes we shall behold them fall. And that is why we say, come to Bucky down, come to Mashy down, come to tear down all of the barriers. Come to Bucky down, come to Mashy down, everything that's holding Jawarias. Come to Bucky down, come to Mashy down. Come to tear down all of the barriers. Come to break it down. come to mash down everything that's whole in the warriors. All the bits of myths now we say cause of it cause it's whole in the warriors. They cannot last, they're bound to pass. Iconoclast coming in fast. And even though we're moving slow, certain things just got to go right now. We must not wait to congregate. Don't hesitate to hold the faith. For truths and rights, we advocate. And we must not wait too late now. I and I and I and I and I must not wait too late. So I tell them, yeah, come to break it down, come to mash it down, come to tear down now like the barrio. Come to break it down, come to mash it down. I'm afraid you're carrying some large metal object. Feel in this. What? What? Right. Yeah, yeah. That shit. Let me tell you how we live, yo. Real quick. I know niggas with no ice and no life that put a couple rounds in you for a very low price. Risk their freedom and buck back at the police. Nothing's guaranteed like when you roll dice. Keep your eyes open with no time to snooze, no time to lose, no time to choose. Who got the hottest product in the market? The logo's the target for any hip hop cabeza that wanna purchase it. Pop it in your CD and get thoughts. Looking kinda ugly outside. It's unbelievable what niggas gotta do to survive. If you scared, better keep it inside. Guarantee you I'ma eat you alive. There's nowhere to run, nowhere to hide. It's sworn every sense of the word. I'ma beat you till your vision is blurred. Trying to rock me to sleep, you a nerd. We've been doing this for way too long, and I'm telling you I'm way too strong. Cause if it ain't gangsta, keep it moving. Cause if it ain't gangsta, keep it moving. Niggas steady hating on us, keep it moving. Stay thorough, nigga, war. Cause if it ain't gangsta, keep it moving. Cause if it ain't gangsta, keep it moving. Nigga steady hating on us, keep it moving. From a rough hood, don't make me snap your club foot. See if you wanna keep club hopping. But anyhow, we're back to get the club popping. Hey yo, this is that shit that thugs love rocking. This is that shit that have your neighbors knocking. Baja la música. Disturbing me while I'm chopping the next smash. And collect cash and get sex fast. And get past. Day by day, I pray under the gray skies. Enough playtime, let's get serious. Like Jermaine Jackson, yeah. And prepare for the main attraction. Make an LP for beers and chips. Make everyone who hears it flip. Catch the contact, feel this shit, man. Rare like a white rhino. Always sampling the right vinyl. Telling you I'm the shit, baby, and that's final. Junkyard hit very hard. Play the shit cleverly, guard. Cause there ain't too many real niggas left. Catch you saying something under your breath. I'ma bring it to you nevertheless.